L'actualité à Nancy et ailleurs. L'Arche à Nancy nous invite à sa traditionnelle garden party. Ce sera le samedi 21 juin à La Braise. C'est au 146 rue Jeanne d'Arc à Nancy. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour. Qui est présidente du GEM. Les compagnons, nous avons également Justine. Bonjour Justine. Bonjour. De l'Arche, quel rôle à l'Arche ? Je suis assistante externe à la maison La Canopée. Et nous avons aussi Ambre en studio. Bonjour Ambre. Bonjour. Qui démarre son stage de seconde à la radio. Et si tu as une question, Ambre, tu n'hésites pas à la poser. Alors, cette garden party, c'est traditionnel, hein, c'est tous les ans. Mais avant cela, avant d'en parler, on va peut-être refaire un petit point sur l'Arche. C'est quoi l'Arche ? Alors, l'Arche à Nancy, c'est 4 maisons d'habitat inclusif avec des personnes en situation de handicap qui sont majoritairement porteuses de trisomie 21. Elles vivent chacune dans leur studio. Il y a entre 7 et 10 habitants par maison. Et après, toute la journée, il y a des assistants qui les accompagnent. Donc, il y a des assistants qui dorment sur place, qui habitent avec elles, et des assistants externes comme moi-même qui rentrent chez elles. En plus de ça, il y a des volontaires. Donc, vous faites partie de La Canopée en externe. Hein. Donc, c'est vous ne vivez pas sur place, mais c'est des sortes de grandes maisons, en fait. Oui. Hein. Et Delphine, donc, résidente de La Braise. Non, de la Caravelle, de la quatrième maison. De la quatrième maison, parce qu'il y en a combien sur Nancy ? 4. Et là, ça se passera donc à La Braise, au 146 rue Jeanne d'Arc. Cette garden partie du 21 juin, elle est sur le thème de la Croatie. Oui. Pourquoi la Croatie ? Parce qu'on est allé en voyage en Croatie. Vous avez fait un voyage en Croatie, oui. C'était quand ? En mois d'avril. Et vous étiez combien alors à Lyon ? En tout, 90. On était à peu près 90 et on est tous partis pour notre voyage communautaire puisque l'Arche à Nancy, en 2024, ça a fait 10 ans qu'elle a ouvert sa première maison qui est la Colombe et la Braise aussi. Et pour fêter nos 10 ans, nous sommes tous partis en Croatie. Un mot pour décrire la Croatie, Delphine ? Très beau. C'est un beau voyage. Ça a duré combien de temps ? Une semaine. C'est super ça comme expérience. Oui. Et donc, vous allez, pour cette garden party, essayer de retranscrire un peu l'ambiance de la Croatie. C'est ça. C'est ça. On a prévu des animations sur le thème de la Croatie, sur ce qu'on a vécu sur place, pour essayer de faire partager notre voyage à tous ceux qui viendront nous voir le 21 juin. Voilà, parce que c'est ouvert à tout le monde. Oui. C'est à partir de quelle heure ? Midi, jusqu'à 17h. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu comme animation ? Il va y avoir plusieurs activités. Vous pourrez faire la plus belle carte postale de Croatie. Vous pourrez faire des bracelets. Vous pourrez aussi également jouer à notre tire-ficelle pour gagner des lots qu'on a prévus et refaire un puzzle. Il y a encore d'autres jeux, mais je ne vais pas tout dévoiler. Ah, on fait des surprises. Voilà, quand même. C'est ça. Bien sûr, mais ça s'adresse à tout le monde. Alors, c'est complètement ouvert. Hein. C'est ouvert à tout public. Les gens de l'extérieur de l'Arche sont les bienvenus. Et j'ai vu qu'aussi on pouvait se mettre aux couleurs de la Croatie. Oui, vous pouvez venir en habillé de rouge, blanc ou bleu, comme le drapeau. Et on fera des belles photos et on verra qui sera le mieux habillé dans le thème. Donc ce sera le samedi 21 juin à partir de midi, c'est au 146 rue Jeanne d'Arc à Nancy. Donc l'occasion de découvrir ces maisons qui, vous l'avez dit, existent depuis plus de 10 ans maintenant. Et ça marche bien, il y a beaucoup de bonheur aussi, de bonne humeur dans ces maisons. Oui, c'est ça. Delphine, oui, c'est ça. Tu y es depuis combien de temps À La Braise, ça existe, c'est un appartement qui existe à côté, donc je connaissais La Braise depuis le début. Et vous l'avez dit, donc ça fonctionne aussi avec des intervenants, soit extérieurs, soit qui vivent dans ces maisons. Comment ça fonctionne. Il y a une équipe de salariés et une équipe de deux volontaires. Donc, dans les volontaires, il y a des services civiques et des volontaires internationaux. Et du coup, là, on est à la recherche des futurs volontaires de 2025-2026. Donc, si tu fais partie du service civique, tu peux postuler à l'Arche. Tu seras le bienvenu. Le rôle d'un service civique à l'Arche, c'est quoi ? Alors, les missions d'un service civique, c'est de créer des liens, surtout avec les habitants, de pouvoir co-animer des événements, que ce soit au sein de la maison dans laquelle le service civique fera partie, ou même les événements communautaires qu'on anime tout au long de l'année. On a plusieurs événements communautaires tout au long de l'année, et il y a toujours des groupes pour préparer les événements. Voilà. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter l'Arche. pour vivre quelque chose d'assez unique, hein, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'accueillir des personnes qui sont passées en service civique à l'Arche, et c'est toujours unique. Hein. Oui. Un dernier mot peut-être, Delphine, pour donner envie aux auditeurs de venir le 21 juin à la Garden Party. Venez comme vous êtes. Hein. Et Justine, un dernier mot peut-être ? Venez nombreux découvrir toute la joie qu'on véhicule à l'Arche. Et un petit voyage en Croatie en plus. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.